Michael Field, ça arrive dans les prochaines minutes. Je vous ai calé également Céline Dion avec J'irai où tu iras. Et le nouveau Ritz, ça arrive juste après les infos qui vous seront présentées ce midi par Margot. Il est midi, très belle journée avec nous. Nous sommes aujourd'hui mardi 8 août. Le journal de cette mi-journée vous est présenté par Margot. Bonjour Margot. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, 5 policiers du raid à Marseille en garde à vue ce midi après la mort d'un homme de 27 ans. C'était le mois dernier. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qu'il s'est passé, annonce du parquet dans un communiqué. Le corps d'un homme avait été retrouvé au pied de l'immeuble où habitait sa mère. Il pourrait avoir été victime d'un tir de LBD en marge des émeutes. D'autres policiers sont convoqués pour être entendus par les enquêteurs. Ça coûte plus cher de faire le plein de la voiture. Malheureusement, vous l'avez peut-être remarqué, comptez en moyenne 1,80€ le litre de gasoil, 1,89€ en moyenne le litre de sans-plomb 95-10. Des prix en hausse de près de 8%, c'est lié à la montée des cours du pétrole brut. Et ça devrait encore grimper dans les prochaines semaines. Un mercure à plus de 40 degrés dans le sud-est au mois de juillet, 35 dans le sud-ouest de la France. Il a fait encore chaud cet été chez nous et partout dans le monde d'ailleurs, ce qui a fait du mois de juillet le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. C'est ce que dit l'agence européenne Copernicus, la faute au réchauffement climatique. L'une des conséquences, c'est que ça brûle en Espagne et au Portugal en ce moment. Des incendies ravagent des milliers d'hectares de végétation à cause des vents violents et de la canicule. 45 degrés en moyenne dans les deux pays. Autre paysage de désolation, là c'est dans l'est des États-Unis, de fortes pluies, des vents violents, des arbres tombés, des rues inondées, des avions cloués au sol. Les autorités parlent d'au moins 2 morts, un homme de 28 ans, un adolescent de 15 ans. Des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité aujourd'hui. Il a gagné le Tour de France en 1959. Federico Bahamontes est mort à l'âge de 95 ans. C'est le premier Espagnol de l'histoire à avoir remporté la grande boucle. Le grand match du jour en football, c'est France-Maroc dans quelques minutes à 13h, heure de Paris. La France qui joue son billet pour les quarts de finale du mondial de football féminin. C'est ça Virginie Quien? Oui, des bleus favorites sur le papier, à l'image de Wendy Renard et de Khadi Diatou Diagne, très en forme lors des matchs de poule. Mais attention à cet excès de confiance contre cette équipe du Maroc qui atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale d'un mondial de football féminin. Des outsiders qui n'ont absolument rien à perdre. Les bleus plus expérimentés devront le prouver sur le terrain si elles veulent l'emporter dans ce qui a tout d'un véritable match piège. Coup d'envoi dans moins d'une heure. Merci Virginie. France-Maroc, c'est à voir tout à l'heure à 13h sur M6. 200 000 euros pour chaque joueur en cas de victoire en Coupe du Monde. Là, c'est la prime négociée par le 15 de France de rugby avec la Fédération. Mais avant ça, il va falloir jouer premier match des Bleus dans un mois tout pile. Ce sera le 8 septembre contre les All Blacks. Ce sera un gros morceau. Voilà, fin de ce flash. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup Margot. Tout à l'heure, à 12h30, on développera les titres du Flash Info Région présenté par notre journaliste Baptiste Blage, comme tous les jours. Retour des hits sur 9h FM avec le nouveau Ritza. Voici Dis-moi tout. Dis-moi tout, maman, c'est. Dis-moi tout, maman, c'est. J'ai besoin de te voir, c'est vite. Je sais qu'à le cœur vide. Fais-moi quand même une petite place. Dis-moi tout, maman, c'est. Dis-moi ce que tes yeux me disent pas. Calme-toi, t'es va pas vite. Garde-en un peu pour plus. Je vais tourner la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je vais tourner la ville avec Bambina. Je ressens des choses mais je te le dis pas. On a toute la noche. Dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle. Moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Un peu sur le côté, t'es à moi qu'on se le dise. Crois-moi que je vais pas fauter. Ton petit sourire, je le connais. Quand t'es jalouse, t'es trop belle. T'es là, tu m'analyses. T'as eu tout ce que tu voulais. Je vais tourner la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je vais tourner la ville avec Bambina. Je ressens des choses, mais je te le dis pas. On a toute la noche. Dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle. Moi, je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. veux aller où? Faire des trucs de fou. Toi et moi c'est nous. Je t'emmène faire un tour. Tu veux aller où? Faire des trucs de fou. Toi et moi c'est nous. On a toute la noche. Dis comment t'es diamant. J'aime quand tu fais la belle. Moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Écoutez 9h FM. Aux portes du Berry ou encore le cœur de Loire. Sur 99 FM, toujours à vos côtés. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux déteintes sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule où des bras me serrent. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Des caravanes et des voyages comme sur les débris. Nevers FM. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant in machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si c'était comme ça plus belle. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon phare. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai. Ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime quand même. Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Deux très belles voix du moment, un instant avec Slimane et Claudio Capeo, plein feu sur la rentrée qui se profile tout doucement, avec de nouvelles émissions et on aura l'occasion d'en reparler et puis de nouvelles personnes également qui viendront nous rejoindre à partir de la rentrée demain matin à partir de 9h et ce jusqu'à 13h, c'est Esteban que vous retrouverez qui sera aux côtés de Baptiste Blage que vous allez retrouver également pour le Flash Info de 12h30, l'info locale et régionale. On marque une pause et on revient avec Starship et Jean-Pierre Madère. A tout de suite. Vous êtes une association? Bonne nouvelle! Promotionnez tous vos événements. Plus d'infos au 09 52 39 35 35. Envie de vous émerveiller au cœur d'une oasis de beauté? Visitez le parc floral d'Apremont, une perle rare dans le Cher. 70 hectares de nature luxuriante, subtil mélange de couleurs et de parfums envoûtants. Flânez entre les jardins à la française et exotiques. Laissez-vous charmer par ses cascades et ses pièces d'eau. Ouvrez-vous au moment d'évasion inoubliable, en famille ou entre amis. Le parc floral d'Apremont, visitez-le dès aujourd'hui. Habitants des petits villages de la Nièvre et du Cher, ce message est pour vous. Ville Ajoie, une initiative de jeunes, organise une tournée et s'installe sur les places des villages pour les faire revivre le temps d'une soirée en y ramenant des services et de l'animation. Au programme, prévention santé, aide aux démarches administratives, mais aussi restauration, jeux et musique. Voici les prochaines dates. Dans la Nièvre, jeudi 10 août, à Cervon, à partir de 17h. Vendredi 11 août, à Suilly-la-Tour, à partir de 17h30. Ce spot est offert par Malakoff Humanis. Un séjour en camping Cap Fun, ça vous tente? Bonne nouvelle, découvrez l'aventure de plein air avec les campings Cap Fun. Vivez des vacances inoubliables nichées au cœur de la nature. Profitez en famille ou entre amis d'hébergements confortables, de piscines rafraîchissantes et d'un large éventail d'activités pour petits et grands. De la détente à l'excitation, des vacances parfaites avec Cap Fun. Réservez dès maintenant sur www.capfun.com et plongez dans l'esprit du camping avec Cap Fun près de chez vous. Découvrez l'expérience du rétro-camping les 25, 26 et 27 août à Bouglézo. Plongez dans l'univers nostalgique de l'époque des vacances en caravane et du camping rétro. Rejoignez-nous pour un événement passionnant avec un concours de lancer de tongs, une exposition captivante et une course d'apéro chrono hilarante. Rétro-camping, une occasion de revivre les souvenirs d'antan. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Rétro-camping les 25, 26 et 27 août à Bouglézo dans la Nièvre. Plus d'infos sur le Facebook J'aime Poug Rétro Camping 2023. Un événement J'aime Poug. Tous les tubes. Une radio. Stand strong. FM. La radio qui vous fait chanter sur tous les tubes de vos plus belles années. Where else far away? Well, you know what they mean, and they mean what. s'était fait connaître en 2001 avec la bande originale du film Moulin Rouge. Christina Aguilera, Lil' Kim et Mia l'accompagnaient également pour cette bande originale. À l'instant, Pink sur 9h FM à 12h30. Il est l'heure de retrouver tout de suite l'Info Région présentée par Baptiste Blage. Bonjour Baptiste. Bonjour Fred, bonjour à tous. L'actualité, c'est d'abord cette voiture de la police nationale percutée par une conductrice ivre. L'accrochage s'est déroulé dimanche vers 7h du matin, avenue Pierre Bérégovoy à Bourges. La conductrice roulait avec un pneu à plat et a été testée à une alcoolémie de plus de 2 grammes de litre par 100. Dans le même temps, vendredi sur la N7 à Villeneuve-sur-Allier, un motard de la Nièvre de 29 ans a été contrôlé à 208 km/h au lieu de 110. Son deux roues a été placé en fourrière. En bref, les pompiers en itinérance, engagés dans une campagne de prévention inédite à l'aide d'un autocar. Les sapeurs-pompiers de France font aujourd'hui étape à Saint-Honoré-les-Bains de 10h à 17h. L'objectif de la journée, sensibiliser le grand public aux feux de forêt et promouvoir le volontariat. Et puis la SPA, Société de Protectrice des Animaux, surchargée. Décès, divorce, déménagement, voilà ce qui, en général, conduit à l'abandon d'un animal. Ce sont du moins les justifications le plus souvent avancées auprès des responsables de refuge. Des responsables plutôt désabusés en ce milieu d'été. Cela fait déjà plusieurs mois que la SPA de Bourges affiche complet. L'établissement accueille actuellement 50 chiens et autant de chats. La SPA tient à rappeler qu'adopter un animal sans réfléchir, c'est le condamner à l'abandon. En cas de besoin, vous pouvez contacter la SPA du Cher au 02 48 24 13 32. Un mot sur le festival Bourbonnais en Bourbonnais. Un spectacle inédit de 500 drones lumineux et une scénographie composée d'une dizaine de tableaux sur la nature et les paysages de l'Allier. Prochaine représentation, le 12 août au plan d'eau, le bassin de Pierrefitte-sur-Loire et le 19 août au plan d'eau de Saint-Germain-des-Fossés. En sport, Sofiane Cathy disputera bien un deuxième championnat de France de boxe. 5 mois après sa défaite au Cap d'Agde face au détenteur de la ceinture, Diego Nacho, Sofiane Cathy se voit offrir une nouvelle chance de disputer le championnat de France de la catégorie des moyens. Cette fois à domicile, à la Maison des Sports de Nevers et face au Biterrois Gaston Du, le samedi 4 novembre. Et on salue son très très bon professeur Tarek Kedouri que nous avions reçu ici dans nos studios. Un point sur la météo, tu as misé gros sur la météo aujourd'hui. Ah oui, ambiance quasi estivale aujourd'hui. Je vous le promets, si quelques nuages circuleront notamment l'après-midi, c'est l'impression de beau temps qui prédominera sur le Cher, l'Allier et la Nièvre. Les températures encore douces ce matin, je vous l'accorde, mais bon, ça remonte. 23 degrés cet après-midi à Nevers et Luzy, 24 à la Charité-sur-Loire, Sancerre et Moulins. 09 52 39 35 35, si vous voulez prendre les paris sur la météo avec Baptiste, c'est maintenant, c'est comme le tiercé, c'est avant 14h. Allez, merci beaucoup Baptiste. À tout à l'heure, 17h30, 18h30, voici le retour des hits avec FR David. On écoutera Paradise dans un petit instant et Christophe Willem. On vous souhaite une très belle journée. We'll be right back.

Chère FM, les hits et les gold qui vous font chanter toute la journée. Just walk this way to the dawn of the night. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your chanson l'instant avec Scorpion. On revient dans un instant avec les nuits sans Kimoy de Laurent. On vous le dit, à tout de suite. 9RFM, la radio des événements de votre région. Plus d'infos au 09 52 39 35 35. En août, vivez une épopée inoubliable au château de Bourbon-l'Archambault. Plongez dans un conte envoûtant où les légendes prennent vie dans un spectacle féerique d'ombre et de lumière. Venez vivre des soirées magiques et mémorables sous les étoiles. La légende de l'ombre et la lumière, un spectacle vivant, familial, dans un univers médiéval fantastique. Le château de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, à 20 minutes de Moulins. Spectacle les 4, 5, 11, 12 et 14 août à 22h. Les légendes de l'ombre et la lumière, au château de Bourbon-l'Archambault. Allez, un petit sourire, et hop, c'est dans la boîte. Bah tonton, qu'est-ce que tu fais? Ah bah ma chérie, je m'occupe de tout, hein. T'inquiète pas, photos, sono. Ah d'ailleurs, je te laisse, je passe à l'animation. Bip bip. Sinon, chez MyElement, on vous propose des prestations professionnelles à moindre coût pour vos événements clés en main et personnalisés. Animation, reportage photo et vidéo, sonorisation, éclairage, Barnum. Surprenez vos invités et marquez les esprits avec MyElement. Plus d'infos sur myelement.fr. MyElement, votre événement est unique. Événement dans votre région. Le Comice agricole de Sancoin. Les samedis 12 et dimanche 13 août. Le samedi toute la journée, jeux inter-association, exposition de matériel ou encore l'univers du para-agricole. Traditionnel repas du Comice le soir en centre-ville avec concerts et balles. Dimanche, messe, grande cavalcade l'après-midi, snacking le soir. Clôture du week-end par feu d'artifice grandiose dans le ciel en soirée. Et d'autres surprises pour un week-end riche en émotions. Restauration, buvette sur place. Le Comice agricole de Sancoin. Les samedis 12 et dimanche 13 août. Un événement à vivre en direct avec votre radio. Habitants des petits villages de la Nièvre et du Cher, ce message est pour vous. Ville Ajoie, une initiative de jeunes, organise une tournée et s'installe sur les places des villages pour les faire revivre le temps d'une soirée en y ramenant des services et de l'animation. Au programme, prévention santé, aide aux démarches administratives, mais aussi restauration, jeux et musique. Voici les prochaines dates. Dans la Nièvre, jeudi 10 août, à Cervon, à partir de 17h. Vendredi 11 août, à Suilly-la-Tour, à partir de 17h30. Ce spot est offert par Malakoff Humanis. Tous les tubes. Une radio. Des fois je balade.

Claude Adaous à l'instant dans Dream It's Over sur 9h FM. On vous souhaite une très très belle journée. Vous allez retrouver Ludo cet après-midi pour le 16-19, l'after. Au revoir Esteban. Et demain matin, aux commandes et aux manettes de l'émission, ce sera Esteban. J'ai peur, effectivement. Mais il faut jamais avoir peur en radio. On retrouve également Baptiste en ta compagnie demain matin à partir de 9h jusqu'à 13h et jusqu'à la fin de semaine. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de la rentrée. Voilà, je vous souhaite eh bien, de passer de très bons moments sur notre antenne. On va retrouver dans quelques instants eh bien, le meilleur des hits avec Supertramp, Linkin Park ou encore Julien Doré, Bernard Lavilliers. Tout ça, ça arrive dans un instant puisqu'il est 13h. Continuez de vous inscrire sur la page Facebook de la radio pour gagner vos différentes places, notamment pour au parc à Cône-sur-Loire et le château de Saint-Fargeau. Passez de très très bonnes vacances, une très belle journée à l'écoute de 9h FM dans le Nivernais Bourbonnais et aux portes du Berry. Rendez-vous tout à l'heure avec Ludo à partir de 16h. Au revoir Esteban, à demain. Au revoir tout le monde. Voici Supertramp. Oh, playfully watching me. But down inside of me, something I cannot repair, even though it will always be, I pretend it isn't there. I'm trapped. Bien en chair, bien en revanche. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. Je vais payer tout ça.

artisans, commerçants ou encore collectivités locales. Promotionnez vos activités, élargissez votre visibilité ou encore augmentez votre potentiel de visiteurs. Plus d'infos au 09 52 39 35 35. Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! J'ai oublié mon doudou! Jade, c'est pas grave, ma chérie! Tu ramèneras un martien! Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Découvrez le paradis des loisirs à Au Parc à Cosne-sur-Loire. Plongez dans un monde d'émerveillement et de divertissement pour toute la famille. Activités et attractions en plein air à Cosne-sur-Loire. Balade ou sensations fortes, à vous de choisir. Espace vert, pique-nique en famille, attractions de sensations fortes ou encore des animations pour des souvenirs inoubliables. Petits ou grands, avec Au Parc à Cosne-sur-Loire. Vivez des journées remplies de rire et de joie. Pour partir à Au Parc à Cosne-sur-Loire, réservez votre billet dès maintenant sur www.au-parc.fr. Et bonne nouvelle, écoutez 9h FM pour jouer et gagner des entrées pour Au Parc. Venez vivre un été inoubliable avec les Pougues Estivales 2023. Plongez dans des concerts exceptionnels. Chaque vendredi à partir de 20h, dans un lieu différent, venez vibrer au rythme de la musique et célébrer l'été en beauté. Les Pougues Estivales 2023, des artistes talentueux vous transporteront vers de nouveaux horizons musicaux dans une ambiance magique à chaque concert. Ne manquez pas ces moments uniques pour vous divertir et vous évader. Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable. Concerts gratuits, restauration sur place. Les Pougues Estivales 2023, jusqu'au 1er septembre. À Pougues-les-Eaux. Plus d'infos, Facebook Pougues Estival. Un événement J'aime Pougues et le casino de Pougues-les-Eaux. En août, vivez une épopée inoubliable au château de Bourbon-l'Archambault. Plongez dans un conte envoûtant où les légendes prennent vie dans un spectacle féerique d'ombre et de lumière. Venez vivre des soirées magiques et mémorables sous les étoiles. La légende de l'ombre et la lumière, un spectacle vivant, familial, dans un univers médiéval fantastique. Le château de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier, à 20 minutes de Moulins. Spectacle les 4, 5, 11, 12 et 14 août à 22h. Les légendes de l'ombre et la lumière au château de Bourbon-l'Archambault. Tous les tubes. Une radio. Should be getting.

J'ai parfois des regrets quand tout est à l'arrêt.